Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Le bras de fer des films, épisode bonus numéro 3. C'était une période de festivité. Sur leur planète un peu tristounette où la neige se faisait attendre à plusieurs endroits où il était supposé y en avoir, deux rebelles et amateurs de cinéma parfois classiques, parfois étranges, s'apprêtaient à s'attaquer à l'une des œuvres les plus attendues de ce siècle. Partout dans la galaxie, une sorte de folie se propage, et ce n'est qu'une question de temps avant de savoir si nos deux héros basculeront du côté des fans et retourneront voir le film une deuxième, troisième ou dixième fois, ou s'ils seront séduits par le côté grincheux de Noël. En cette fin d'année 2015, la force s'est réveillée. Et le bras de fer des films vous offre donc son spécial de Noël à propos de Star Wars, épisode 7, The Force Awakens. Yeah! C'est excellent! Ouais, c'est excellent! Eh bien, bienvenue tout le monde au bras de faire des films épisode bonus. Mon nom est Jean-François Tremblay, avec moi mon collègue depuis les tout débuts, Steven Lefrançois. Salut Steven! Oh tabarouette, j'ai essayé de faire Chewie, ça a tellement pas marché! salut JF! En forme? Oui et non, un petit début de rhume avant le temps des fêtes, évidemment, mais c'est pas grave. Même chose pour moi. Je suis pas à l'article de la mort non plus. Là. Ça se peut que vous m'entendiez moucher, là, parce que je vais faire attention. On est allé voir Star Wars. Oui, ben toi tu l'avais vu bien avant moi, toi tu l'as vu jeudi, je crois non, bien. Non, je l'ai vu samedi. Ah oui, tu l'as vu samedi. Ah oui, c'est vrai, oui. Tu l'as vu samedi. Ben moi je l'ai vu hier pour la première dimanche. Fois. Yeah, pour ceux dimanche. Qui nous écoutent, il y en a qui nous écoutent peut-être en janvier ou peu importe. Là. On est tout mélangé, on est en train de mélanger tout le monde. Ah non, mais juste pour dire, si je suis niaiseux, je viens de manger. Mais mais bon, moi disons, je l'ai vu samedi, j'ai vu une journée avant toi, c'est tout. Fait que, puis je l'ai vu en 3D, c'était pas mon choix de départ, mais on est allé avec une gang d'amis, puis eux autres avaient déjà acheté le billet, ils nous ont demandé si on voulait joindre eux autres, ils avaient déjà acheté le billet, puis un des gars en particulier, c'est tout ce qu'il pouvait, c'était le show, la projection à laquelle il pouvait aller par rapport à son horaire, ses enfants, tout ça. Mais je dois dire que, autant j'aime pas les films en 3D, puis j'en regarde jamais d'habitude, puis depuis Man of Steel, je m'étais dit, ah, c'est de la grosse merde, les films en 3D, je veux rien savoir. Celui-là, il est correct, tu sais, je trouve que surtout les scènes dans l'espace, les scènes de vaisseaux spatiaux, tout ça, sont intéressantes. Tu sais, il y a toujours les problèmes qui viennent avec la 3D, le côté un petit peu flou d'un mouvement, le côté sombre des images, tout ça. Mais non, en général, ça ne m'a pas trop dérangé, mais c'est clair que je veux le revoir en 2D. Là. Moi, il y avait une demi-heure de différence entre la version 3D et 2D, puis je suis pas arrivé à temps pour la 3D, quoique je voulais pas forcément le voir en 3D. J'avais pas entendu rien pour la simple raison que j'ai lu aucune critique. J'essayais de me tenir loin absolument de tout par rapport à Star Wars. Et un coup, j'étais rentré dans la salle, mon ami, lui, avait été le voir une fois avant moi, puis il me disait qu'il avait été en 3D, puis que la 3D était correcte. Tu sais, t'avais rien qui t'a revolé d'en face, mais qui avait un effet de profondeur quand même assez réussi, puis que tu sais, oui. C'était pas... Il y a une fois qu'il y a un croiseur impérial qui arrive vers nous autres. Là. Mais je trouve ça drôle parce que c'est le genre de film où tu aurais pu saisir l'occasion pour envoyer plein de lasers qui sortent de l'écran ou le sable. Ou, c'est un film de science-fiction, c'est quand même une belle occasion pour utiliser la 3D à fond. Oui, mais moi je trouve que la 3D c'est une gimmick puis qu'éventuellement ça va peut-être s'estomper. Ça peut pas partir complètement, mais il y a tout le temps eu des périodes, il y a eu les années 50, les années 80, là, aujourd'hui, les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de 3D, mais je pense qu'à un moment donné ça va peut-être disparaître, peut-être pas. Mais tu sais, il faut que tu te dises que le film, faut qu'il soit plaisant à voir dans tous les formats, tu sais, pas juste en 3D. Puis il ouais. Y a des gens qui aiment pas ça. C'est comme moi, regarder Friday the 13th Part 3 avec les affaires qui nous revolent en face tout le temps, tu sais, ça me tape ses nerfs, tu sais. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est un choix, là. C'est une question d'opinion. Ben, faut pas que ça fasse vieillir plus mal le film que qu'est-ce que ça serait supposé d'être. Tu sais, tu regardes Jaws 3, les effets 3D, ça fait juste encore plus mal vieillir le film. Fait que c'est un petit épisode, on va essayer de garder ça court quand même, pas loin d'une demi-heure peut-être. Fait qu'on va y aller avec nos opinions un peu pêle-mêle, puis il va y avoir des spoilers vers la fin. Mais moi, je vous... Section spoiler. Ouais, une section spoilers. Ouais. Moi, je vous dirais, allez voir le film quand même, t'sais, même avant de nous écouter, downloadez ça, gardez ça en réserve à quelque part, puis vous l'écoutez après avoir vu le film. On spoilera pas les gros points, on va juste parler des trucs que les gens savent à partir du trailer. Puis t'sais, c'est ça, t'sais, ce qu'on savait déjà un peu d'avance. Mais moi, je m'étais tenu loin à peu près de toutes les critiques. La plupart du temps, je perds mes mots. J'avais lu une ou deux critiques qui n'avaient pas de spoilers. Je suis très content parce qu'il y a des gros spoilers dans le film que je voulais vraiment pas savoir. Puis que ça a été des surprises. Fait que... Mais c'est ça, on va faire une petite section à la toute fin pour les spoilers. Mais c'est tout à fait préférable, de toute façon, d'aller voir un film avant d'écouter un podcast. On ne sait jamais qu'est-ce qu'une des personnes va dire. Puis autant pour nous autres, ça ne sera pas un spoiler, mais pour vous, ça va l'être, ça va vous faire chier, mais que vous allez voir le film. Fait que... C'est ça, puis on veut pas que vous nous haïssiez. Puis de toute façon, c'est Star Wars. Si vous êtes un grand fan, là, autrement dit, vous l'avez déjà vu le film, vous Oui. n'avez pas entendu. Oui, parce que là, on enregistre, on est lundi, ça fait déjà 5 jours ou 6 jours, 5 jours depuis jeudi soir qu'il est sorti, fait 4-5 jours. C'est ça, vous êtes supposé l'avoir déjà vu, si vous êtes vraiment un fan. Mais tu sais, si vous êtes un vrai, vrai fan et que vous ne l'avez pas encore vu, sentez-vous pas mal, c'est pas grave. Mais allez le voir, allez le voir. De toute façon, quand tu regardes le montant d'argent qu'il a accumulé à travers le monde pour son premier week-end, là, pas mal certain que la plupart des fans ont été. Fait que je suis pas bien préparé, j'ai pas des infos devant moi. Le film est réalisé par J.J. Abrams. Les auteurs, je sais que dans les co-auteurs, t'as Lawrence Kasdan qui avait co-écrit l'Empire contre-attaque, mais j'ignore qui sont les deux autres, je me souviens plus. Il y a J.J. Abrams Il y a aussi. J.J. Abrams qui a écrit, ok. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, non? Oui, c'est Michael Arndt. Ok. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, lui? En tant que tel, là, je ne le connais pas plus qu'il faut. Je pense qu'il s'est occupé de Hunger Games, L'Embrasement, Oblivion, Toy Story 3. Ok. Il a quand même fait Little Miss Sunshine. Il a quand même fait Oh! d'excellents films, en fait. Ben oui. Fait que, non, mais, t'sais, parlant de scénario, je trouve que déjà au départ, ça marche à fond parce que ça a même pas pris 5 ou 10 minutes que j'étais déjà intéressé par les personnages, ce qui était déjà plus que dans les trois prequels. Puis c'est ça la grosse force, en fait. Une des grosses forces du film dans l'ensemble, c'est ses personnages. Les personnages principaux. De Ray, joué par Daisy Ridley, puis Finn, qui est joué par John Boyega, je pense. Oui. Ces deux acteurs principaux sont attachants à l'os, là, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des personnages? Moi, les nouveaux personnages, je suis tombé en amour avec eux. Honnêtement, ils sont super attachants, super charismatiques. Puis dès qu'on rencontre le Stormtrooper Finn qui va dériver un peu de sa destinée, déjà là, t'es tout de suite avec lui, t'embarques. Je trouve que l'acteur s'implique à fond. Tu vois que l'acteur trippe, là. Tu le sens que c'était un genre d'ancien fan de Star Wars qui a la chance de pouvoir jouer un gros personnage dans un film. Et l'excitation, je trouve qu'elle traverse l'écran, il se donne vraiment à fond. Et je trouve que ça reflète un peu tout le casting. Je veux dire, tout le monde est content d'être là. Tout le monde a du cœur, se donne à fond. Autant les vieux acteurs, tu sais, que ce soit Harrison Ford ou la princesse Leia, Carrie Fisher, je veux dire, tout le monde est content d'être là. Puis je pense que le principal pour lequel que le film fonctionne autant, contrairement aux prequels, c'est que le cœur de Star Wars y est. Tu sais, je veux dire, tout le principal y est, puis on trippe avec eux. Ça prend pas 5 minutes, comme tu dis, avant que non seulement on s'attache aux nouveaux personnages, mais qu'on ait le feeling qu'on est en train de regarder un Star Wars, puis pas juste en train de regarder un ramassis de digital, CGI, de décor, puis qu'il n'y a absolument rien de réel au point que ça nous fasse pas rentrer dans le film, parce que dès la scène d'intro, tu vois, il y a du CGI, mais je veux dire, c'est bien intégré avec des décors réels, des effets pratiques, qui ont vraiment essayé de minimiser. Comment je pourrais. Excusez, je perds un peu mes mots, de réduire le plus de possible le CGI dans le film pour que justement on soit plus proche des anciens. Puis déjà là, je pense que c'est pas mal ce qui fait la force du film quand on débute là. Ben, c'est juste le petit robot BB-8. Tout le monde pense que à première vue que c'est fait par CGI, mais c'est un vrai robot. C'est pas c'est un vrai robot contrôlé à distance, puis Non, c'est vraiment cool comment ce qui est fait. Puis tout, puis moi-même, durant le film, à plusieurs séquences, je pensais que c'était du CGI. Puis après ça, j'ai lu que non, c'est un vrai, vrai Mais robot. t'as-tu vu des petits robots comme ça qui se vendent télécommandés avec ton cellulaire? Non. Ils bougent de la même manière, c'est identique. Fait, j'ai aucune misère à te croire que c'est un vrai petit robot puis c'est pas du CGI dans le Puis film. tu sais, même lui, je me suis attaché tout de suite avec sa relation avec Oscar Isaac, qui joue le pilote nommé Poe. J'ai vraiment beaucoup aimé leur relation. Tout de suite en partant, tu sais, je me suis attaché au petit robot, je me suis attaché à Oscar Isaac, puis j'avais envie qu'il se retrouve éventuellement. Tu sais, même si ça faisait 32 minutes, là, 2 minutes, 30 secondes, 2 minutes, le film, peu importe, ça faisait pas longtemps. J'étais intrigué par le personnage joué par Max von Sydow au début. Je suis toujours aussi intrigué par lui. J'ai hâte de savoir c'est qui. Est-ce qu'on va avoir plus de réponses sur ce personnage-là? C'est à savoir c'est quoi son passé, c'est quoi sa relation avec les personnages, tout ça. Puis non, j'ai vraiment tout de suite embarqué dans l'action. Et c'est ça tout le long du film, en fait. Puis jusqu'à la toute fin, puis c'est drôle parce qu'à la toute fin du film, la dernière image, je rentre pas dans les spoilers, là, mais la dernière image, le générique a starté. Puis je regarde ma blonde, je suis comme. Ouais, mais je veux encore 2 heures de ça, moi-là. Ben, je pense que c'est la preuve que J.J. Abrams a réussi son défi, son énorme défi avec ce film-là, c'est qu'après 2h15 de film, quand le générique embarque, la première chose que tu dis, c'est j'en veux plus. J'en prendrai tout de suite parce que les 2h15 passent à une vitesse Ah, folle. t'as C'est l'impression que ça fou. dure 1 demi-heure, là. C'est rythmé à fond, tandis que les prequels, là, c'est long, c'est long, parce que c'est constamment des longs dialogues de conspiration pas intéressants, de blabla sans saveur, tandis qu'ici, tous les dialogues sont intéressants, puis justement, je pense que le fait de ne pas avoir intégré une grosse intrigue de complot, là, ça baisse la lourdeur des films qu'on avait Mais avec les autres. juste pour me situer par rapport aux autres, puis situer mon opinion, là, tu sais, moi, j'haïs vraiment pas les prequels. Je les ai pas revus dernièrement en préparation de ceux-là. J'ai juste vu la trilogie originale, mais ça fait quoi, 1 an la dernière fois que j'ai vu les prequels, puis je les déteste pas. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Moi, le côté manigance, tout ça me dérange pas, tu sais, et puis je suis pas non plus un gros. Haters de Jar Jar, même si je l'aime pas, là, t'sais, mais je suis indifférent à Jar Jar, je m'en fous, là, t'sais, c'est correct, c'est pour les enfants, t'sais, je m'en fous. Mais non, il y a beaucoup de choses que j'aime dans les prequels, mais celui-là, définitivement meilleur que les 3 prequels. Ben moi je dirais facilement que c'est le meilleur Star Wars que j'ai vu après l'Empire contre-attaque. Là. Je te dirais je situe l'épisode 4-5 comme mes favoris, puis celui-là rentre tout de suite après, là. Facile. Ouais. J'aime beaucoup le retour du Jedi aussi. J'aime beaucoup aussi le Retour du Jedi, sauf qu'il y a des points qui me gênent un peu dans le Retour du Jedi, tandis que dans celui-ci, il y en a moins qui m'ont gêné. Puis, en même temps, je sais que le film est pas parfait dans le sens où que je peux comprendre les gens qui disent que c'est une espèce de reboot, rip-off de New Hope. Et Non, il y a les mêmes intrigues la quasiment, là. même intrigue, mais en tant que tel, moi, ça me gêne pas, puis je le prends pas comme un défaut, parce que J.J. Abrams n'a jamais caché que c'était son volet favori. Et veut, veut pas, là, la pression que les gars, les scénaristes, puis lui, il avait sur les épaules de revenir avec un nouvel épisode de Star Wars après les échecs, façon de parler, les échecs auprès des fans des prequels, c'était une tâche sûrement extrêmement stressante. Puis ils ont décidé d'y aller un peu dans le confort, si on Ouais, dans veut, la en y sûreté, allant. là aussi, dans quelque chose de sécure, tu sais, Ouais, c'est ça, quelque quelque chose chose qu'il de. savait qu'il allait pogner, là, tu sais. Que ça allait pogner, puis tout. Puis je pense que c'est une manière un peu de relancer la série, puis de se réconcilier avec les fans qui ont été déçus par les autres. Fait que moi, je pense que honnêtement, ils vont prendre plus de liberté, puis y aller avec quelque chose d'un peu plus. Moins dommage, si on veut, avec les suites. Je pense que celui-ci, c'est vraiment juste pour, comme, regardez, on est revenu, on a respecté le matériel, c'est Star Wars que vous venez voir, vous allez avoir du Star Wars. Puis par la suite, après, c'est comme on va essayer d'autres choses. Puis d'après moi, je pense que la série va s'en aller vers de quoi de plus original, si on veut. Mais moi, ça m'a pas gêné. Ça me dérangeait aucunement que ce soit un genre de reboot de New Hope. Parce que même si ça l'est, il y a plein de nouveaux éléments qui sont rajoutés. Il y a quand même suffisamment de nouveaux matériels pour qu'on soit pas trop en train de chialer à se dire que c'est justement un copier-coller. Puis écoute, gars, la nostalgie est là. Veux, veux pas, là. Je peux pas être 100% critiquement honnête avec ce film-là parce que j'ai trippé comme quand j'étais jeune. C'est vraiment une question de nostalgie, puis j'ai vraiment rien détesté du film. T'sais, mais ces petits défauts sont passés par-dessus, puis que ce soit les questionnements sans réponse, même ça, je suis comme, c'est pas grave, je suis sûr qu'on va avoir des réponses dans les prochains épisodes. T'sais, je veux dire, c'est un premier volet. Ouais. Quand tu écoutes à New Hope, il y en a des questionnements qui sont pas résolus. Ben, c'est pareil avec celui-là, puis moi, ça me gêne pas pantoute. Quand tu dis que tu as trippé comme un enfant, là, c'est drôle parce qu'on l'a vu samedi soir, moi et ma blonde, puis dimanche matin, je me suis réveillé, j'avais juste des images de ça dans la tête. Puis ma blonde, elle me dit qu'elle s'est réveillée avec des images de ça dans la tête aussi. Puis je me sentais comme un flot de 10 ans. Là, je veux la revoir, j'ai juste ça dans la tête. Là, je veux la revoir tout de suite. Là. J'ai juste hâte de la revoir. Puis je veux dire, le film est tellement, mais tellement bourré de références, dommages, mais faites avec respect que. La plupart des scènes, là, j'essayais de regarder partout, puis je reconnaissais des affaires. Je suis « Ah, oh, c'est telle créature dans l'épisode 4, telle créature dans l'épisode 5. » Puis jusqu'à nos deux personnages principaux, Ray et Fine, s'enfuient avec le Faucon Millennium pour la première fois de cette scène-là. Puis ça, j'avais des frissons. Je voyais le Faucon Millennium se sauver. Puis la mise en scène de J.J. Abrams était cœurante, honnêtement, dans le film. Toutes les scènes aériennes sont super lisibles, sont énergiques, c'est fluide au bout. Juste avant ça, juste la manière que le Faucon est introduit, tu sais, il court pour se sauver de l'Empire, puis il se dirige vers un vaisseau, puis il dit ça, c'est le meilleur vaisseau de la gang, tu sais. Il en pointe un qu'on voit pas hors champ, puis il dit ça, ce vaisseau-là, elle dit non, ça, c'est de la merde, en anglais, c'est garbage. Mais elle dit l'autre là-bas, il va être plus vite, plus rapide, mais plus efficace, puis tout. Puis là, le vaisseau vers lequel il se dirige se fait. Il se fait exploser, il se fait tirer dessus, puis bon, ben, le garbage, je vais faire d'abord. Il se dirige vers le. mais c'est drôle, tu sais, tout le monde a tout le temps eu cette opinion-là du Faucon Millennium. Tu sais, la première fois que Luke Skywalker voit ce vaisseau-là, comme quoi dans cette affaire-là, puis c'est comme. Le Faucon Millennium est vu comme une grosse poubelle, alors que c'est un des meilleurs vaisseaux de la galaxie. Ouais, ah, j'ai vraiment beaucoup aimé la joke, puis j'ai vraiment beaucoup aimé revoir. Chewie puis Solo, là, c'est toute chaque seconde de passer avec eux autres dans le film, c'est juste super. T'sais. Tu ressens toutes les émotions. Quand Chewie, Mané, se fait tirer dans une épaule, tu ressens l'émotion. Tu fais non, je veux pas que Chewie se fasse blesser. Puis t'as vraiment l'impression d'un vieux couple qui ont passé 30 ans ensemble, puis que ça fonctionne encore, la chimie, la dynamique mais entre les ça, deux. Je me demandais si ça allait fonctionner encore, tu sais, si on allait vraiment reconnaître les personnages. Puis, gars, moi, dès que j'ai revu Chewie puis Han Solo dans le vaisseau, puis qu'ils font juste dire la phrase Chewie, on est revenu, c'est comme on est à la maison. J'en avais encore une fois des frissons. Puis, c'est autant on pourrait croire que les personnages seraient pas trop présents dans le film. Moi, je trouve qu'à partir de la première fois qu'on les voit, ben, ils sont là tout le long. Ils ben, suivent il nos très personnages. Présent, c'est ça. C'est ça l'affaire. Tu sais, dans le trailer ou peu importe tout ce qu'on savait du film avant, on ne savait pas à quel point les vieux personnages allaient être présents. Mais Harrison Ford est là presque du début à la fin du film. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que jamais les anciens personnages iconiques prennent la place sur les nouveaux. Les nouveaux ont tout le temps pareil le premier plan. Et autant ça aurait pu être gênant si les personnages ne seraient pas attachés à quoi que ce soit, mais moi, ça me dérangeait aucunement parce que, comme tu disais, on aime déjà les personnages, mais la principale, qui est un peu l'espèce de d'alter ego de Luke Skywalker, ouais. Rey, jouée par Daisy Ridley, qui est. C'est vraiment. Moi, ça a été une découverte, cette fille-là, dans ce film-là. Elle tient vraiment le film sur elle, dans le sens qu'elle est géniale. Elle a un charisme, c'est incroyable, ses émotions, toutes les scènes avec cette actrice-là, je les ai dégustées. Je me rappelle pas de l'avoir vue ailleurs. Mais moi, j'irais même jusqu'à dire, puis ça fera chier le monde que ça fera chier, je m'en fous. Mais je dirais que ça, c'est un Star Wars féministe. Puis je suis extrêmement heureux que les jeunes filles du 21e siècle ont enfin leur propre Luke Skywalker. On est allé magasiner vendredi ou samedi. Ma blonde, elle me faisait remarquer que jamais tu peux trouver d'action figure, tu sais, de figurine de Leia, ou tu peux quasiment pas en trouver de Rey non plus. Tu en trouves quelques-unes, mais. Pas autant que tu vas en trouver de. Même encore en 2015, tu vas en trouver de Luke Skywalker, du jeune Luke, du jeune Solo, mais t'en trouves presque pas de Leia. Puis tu trouves beaucoup, beaucoup de Finn, des autres, tu sais, Poe et tout ça, mais tu trouves presque pas de Rey. Mais dans le film, c'est elle qui kick des culs le plus. C'est elle vraiment. Qui est vraiment bonne. Elle est bonne mécanicienne. Elle est bonne dans tout ce qu'elle fait. Elle est intuitive. Elle est têtue. Elle est vraiment là, à kick des culs. Juste c'est ça, puis c'est C'est une badass, là. C'est la Furiosa de Star Wars. Oui, puis moi personnellement, je l'ai encore plus aimé parce que je suis pas vraiment un fan de l'univers de Mad Max, mais je reconnais tout à fait la grandeur de ce personnage-là dans Mad Max, mais moi, pour moi, c'est Rey, puis je trouve que c'est quasiment... est encore plus le fun que Luke Skywalker, je pense, personnellement, pour moi, là. Je pense que s'ils font trois films avec elle, moi, je vais triper bien raide, là, tu sais. Je le suis bien raide, là. Puis, non, c'est ça, elle est vraiment trippante. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai plein de points en même temps parce que je veux pas qu'on s'éternise 3 heures là-dessus non plus, mais ce que je voulais dire, ok, c'est ça. Tu disais tantôt que les vieux prennent pas la place des jeunes. Ce qui est intéressant, justement, c'est que tu as tout à fait raison, puis c'est les jeunes, justement, qui drive l'action, c'est eux autres qui mènent l'action, qui, tu sais, s'il y a quelque chose à faire, c'est eux autres qui le font. Tu sais, on peut dire qu'à un moment donné, Chewie puis Solo, ils vont mettre des bombes à quelque part pour faire sauter quelque chose, mais c'est un peu le même principe que quand Obi-Wan Kenobi allait faire baisser le bouclier de tu sais, le tractor beam Ouais, de l'étoile l'étoile de la noire, mort. tu sais. Il est juste là pour aider, mais ça reste les jeunes qui font l'action principale, puis c'est ça. L'action, c'est toute la place est donnée aux jeunes, puis c'est vraiment une passation de la torche, là, on passe la torche à une nouvelle génération, puis c'est fait avec un grand respect, c'est fait de manière que ça insulte pas les vieux, les vieux fans comme nous autres. Ça fait plaisir aux jeunes, je suis sûr que les jeunes doivent triper, puis avoir des nouveaux héros de leur âge, puis des nouveaux héros qui peuvent regarder, tu sais, puis... Qui peuvent facilement s'identifier. Oui, c'est ça. Puis que la présence d'un vieux Harrison Ford les dérangera pas parce qu'il fait un peu le même rôle, comme je dis, d'Obi-Wan Kenobi dans le premier film. T'sais, c'est le vieux qui est là pour dire oui, tout ça c'est vrai, ces histoires-là, que t'sais, le passé, tout ça. Puis, ah non, moi, c'est ça. Moi, j'ai trippé juste à voir Harrison Ford, mais j'ai adoré les jeunes aussi, là, t'sais. Léa, tantôt tu parlais de Léa, je me souviens plus ce que tu dis exactement, mais je voulais rajouter que Léa, moi, mon problème avec Carrie Fisher, c'est qu'elle ne peut plus bouger son visage. Fait que toutes les scènes qu'on voit dans le film qui ressentent de la peine, du n'importe quoi, elle a la même expression Ouais, tout le elle a long. de la misère. Ce qui est tout à fait le contraire de ses films comme Retour du Jedi, L'Empire contre-attaque, tout ça, où ce qu'elle avait un visage extrêmement expressif, elle est plus capable de bouger le visage là, maintenant. Fait Ben que bon. c'est Je me dis vraiment juste que c'est dommage, là. plus ou moins sa faute, là, mais. Oui, mais c'est dommage, mais c'est ça. Il y a un personnage important, ça qu'on n'a pas parlé, le bad guy principal, Kylo Ren, Oui. qui est. Je dirais pas par qui il est joué, là, de toute manière, je pense que c'est inutile. Ben oui, tu considères-tu que c'est un spoiler? Je veux dire, c'est connu quand même. Ben c'est ça, moi je savais pas qui il jouait, fait que je préfère peut-être Tu le juste connais. pas dire. C'est-tu parce que tu le connaissais pas? Ben tu. Non, je le connaissais pas, mais Ok. c'est parce que je me dis c'est peut-être mieux de pas le savoir, parce que je me dis. Dans ma tête, je m'avais déjà dit que c'était quelqu'un, puis c'était pas lui. Ah, ok. Ben ok, je vais en parler d'un spoiler tout à l'heure. Je vais Ok. juste dire le nom tout à l'heure parce que moi je le connaissais déjà. Je savais que c'était lui. Mais lui aussi, c'est un personnage, ça prend pas 5 minutes qu'on nous le présente, puis c'est... Moi, les méchants badass avec des masques, puis une arme typique à eux, moi, ça vient tout de suite me chercher. Ça me fait rappeler un peu Dark Maul, dans le sens que c'est pas mal le méchant le plus intéressant des trois prequels, Ouais. et que c'était le personnage qui m'intéressait le plus, même si dans le fond, il était pas vraiment utilisé. Et j'ai un peu ce feeling-là avec... Kylo Ren, je trouve que c'est un peu le nouveau Dark Maul, mais plus exploité, plus intéressant, avec plus de fond également. Je le sentais comme une véritable menace. T'sais. Je me dis, ok, ouais, c'est vraiment un bad guy imposant, puis il va vraiment donner du fil à retordre à nos héros. Puis en tout cas, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs bad guys qu'on a dans la série à date. Là, je suis vraiment content d'avoir découvert celui-là. Puis j'ai aimé son conflit intérieur, puis je veux pas trop rentrer dans les spoilers, je vais faire attention, mais de toute façon, les gens, on les avertit, là, allez le voir le film. Mais j'aime que ce soit inversé par rapport au vieux film, c'est que ça soit le côté lumineux de la force, le côté clair, ou je sais pas trop comment appeler ça en français, le light side, la force que lui combat, tu sais, il essaie de pas revenir bon, en fait, tu sais, puis. Parce qu'il a déjà été bon dans sa vie, t'sais, fait que c'est ce que j'aime. T'sais, ils ont inversé un peu les choses, puis j'aime ça. J'espère que c'était pas trop un spoiler, mais en tout cas. Non, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, puis c'est ça, son conflit intérieur, son histoire, son arc dans le film, j'ai beaucoup aimé ça. C'est beaucoup relié à des éléments de spoiler, son histoire, fait je veux pas trop rentrer là-dedans non plus, mais. Puis j'ai aimé l'acteur, t'sais, on l'a dit, c'est joué par un acteur qui est un moment donné, enlève son masque. Moi, je le connaissais déjà, mais c'est ça. Non, c'est ça. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là aussi. Ce que je trouve dommage, il y a un personnage féminin méchant, elle s'appelle Phasma, je crois. Puis je trouve qu'elle n'est pas assez présente, elle n'est pas assez bien présentée. Je pense qu'à la fin du film, il y a beaucoup de monde autour de moi qui ne connaissait pas encore le nom du personnage. Moi, je l'avais lu quelque part, mais je pense que dans le film, c'est pas clair. Elle est juste mal amenée dans le film, je Tu trouve. parles de la Stormtroopers argentée Oui, ou... oui. Oui, ok, ça je me disais. Je trouve qu'elle est mal amenée, justement. T'sais, personne ne sait son nom, c'est Phasma, mais personne ne sait son nom, ou presque. T'sais, pis... Bon, on le reconnaît surtout à son costume, je pense que c'est ça Ouais. qui fait en sorte qu'on la voit, mais comme tu dis, c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit pas... Mais il devrait de la nommer plus clairement, il devrait, t'sais, je sais pas, lui donner une meilleure présence. Mais il y a une chose aussi par rapport à ce que je disais tantôt, par rapport à Rey, puis le côté féministe du film un peu, il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans cet univers-là. Puis c'est ce que j'ai aimé aussi, je prends beaucoup la défense des femmes, mais c'est comme ça, moi je suis de même, puis je veux dire, il y a beaucoup de femmes, autant du côté des bons que du côté des mauvais. Il y a des, tu sais, la princesse Leia, c'est plus la princesse, là, c'est le général Organa, c'est un général, puis t'as beaucoup de femmes qui travaillent du côté des rebelles, t'as beaucoup de femmes qui travaillent du côté de l'Empire, t'as des femmes pilotes. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, Des tu sais. chasseurs aussi, pas Oui. des chasseurs, des chasseurs de primes, si on veut, lorsqu'ils rentrent dans l'espèce de bar, t'en vois une aussi qui est là avec son Oui. espèce de genre de Jabba. C'est pas Jabba, mais Oui, je non, c'est ça, l'identifie c'est parce qu'il vrai. est assez gros, là. Fait que c'est ça, t'as beaucoup, beaucoup de femmes dans cet univers-là, puis c'est pour ça que ça peut plaire vraiment à tout le monde. Puis tu sais, c'est pas pour rien non plus qu'il y a un noir dans l'histoire, dans les personnages principaux. J'ai entendu dire quelqu'un que Oscar Isaac était de sang latin, latino. Je suis pas certain, mais en tout cas, c'est. Mais c'est ça, tu sais, t'as différentes ethnies, nationalités, tout ça dans le cast principal. Fait que c'est intéressant pour ça. Il y a beaucoup de diversité. C'est vraiment un film du 21e siècle. Puis, par rapport à ça, j'avais aussi une autre réflexion, c'est que on peut voir la différence entre J.J. Abrams et George Lucas d'une certaine manière. C'est que George Lucas, c'est un cinéaste d'un ancien temps, cinéaste classique qui aime les vieux serials de Buck Rogers, qui aime les vieux films de samouraï, qui aime les vieux. Tu sais, ça, le vieux cinéma statique, la caméra qui bouge, qui est quand même assez mobile, mais qui, quand même, qui a un côté très classique dans la manière de raconter une histoire, tout ça. Puis J.J. Abrams, c'est vraiment du cinéma pour le 21e siècle, avec ses bons côtés et ses défauts. Même chose pour George Lucas, il y a ses bons côtés et ses défauts. Mais c'est ça, c'est un cinéaste du 20e siècle. La caméra est beaucoup plus proche des personnages, est beaucoup plus proche des vaisseaux, est beaucoup plus mobile. Puis c'est une autre façon de raconter l'histoire. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas du George Lucas. Comme on l'a dit tantôt, il n'y a pas de grand dialogue, de manigance et tout ça. Mais c'est super excitant, c'est super le fun. J.J. Abrams, c'est comme un fan. Autant fini, nous autres, de Star Wars, mais de tout ce qui est à peu près de notre enfance. C'est un gros geek comme nous autres. Il adore Star Wars, il adore Star Trek, il adore le cinéma tout court. Et je trouve que ça fait deux séries anciennes qui arrivent à ramener puis à moderniser ça puis à donner un petit coup de fraîcheur, tu sais, que ce soit Star Wars ou Star Trek. Moi, je vais tout de suite le dire, j'avais jamais été un gros fan de Star Trek. J'avais vu quelques films, j'appréciais sans plus. Et quand J.J. Abrams est arrivé avec sa nouvelle mouture du premier Star Trek, j'ai vraiment adoré. Ça a été une surprise. Je m'attendais pas à aimer ça autant. Et je trouve qu'il y a le don de justement de prendre un matériel de base qui date d'une autre époque, de rester fidèle, mais de le moderniser pour qu'il puisse plaire à un public de nos jours qui sont plus difficiles envers le cinéma datant. Puis je trouve qu'avec Star Wars, c'est un peu ça aussi qu'il fait. Il arrive à garder tout ce qui fait le charme des vieux films, à garder tout ce qui est fidèle, mais à le moderniser, à donner une touche un peu plus moderne qui va facilement venir toucher des jeunes. Puis tu sais, j'étais dans la salle avec une salle assez remplie de jeunes garçons avec leurs parents, puis j'entendais les petits-enfants triper devant les petits robots, devant les personnages, les combats, l'action, puis vraiment, là, je voyais en ces enfants-là, moi, lorsque je découvrais pour la première fois les épisodes 4, 5, 6. Mais Abrams le dit lui-même, il est plus fan de Star Wars que de Star Trek. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le premier Star Trek, beaucoup aimé Into Darkness un petit peu moins, mais j'ai beaucoup aimé Ouais, le moi premier aussi. Star Trek. Mais je trouve que quand même, puis j'étais un fan des vieux films, je trouve qu'il a Star Warisé Star Trek dans un sens. Si tu vois ce que je veux dire, il a comme pris Star Trek, puis il en a fait plus un Star Wars dans le sens qu'il y a plus de batailles de vaisseaux, plus d'affaires comme ça, Quelque plus chose de de. plus cool, parce que Star Trek, je considère pas que c'est quelque chose de cool en tant que Non, mais tel. ça essaye pas de l'être, ça veut pas l'être, puis moi je trouve que Non. c'est bien correct comme ça. J'aime beaucoup les vieux films, j'aime les films où ça parle, j'aime les films où c'est plus philosophique, où c'est plus. j'ai peut-être été un peu hautain, un peu snob l'autre fois, mais je disais, je pense, je sais plus si c'était en privé ou dans un épisode, mais je disais, tu sais, Star Trek, c'est plus intello, tandis que Star Wars, c'est plus le sentiment, c'est plus l'action, c'est plus le tu vas ressentir plus de choses, tandis que Star Trek, ça te fait plus penser un peu, parce que Star Trek va les vieux, en tout cas, vont focusser sur le côté, sur les différentes races, les relations des différentes races, sur le côté social, tu sais, des trucs comme ça, puis la paix dans le monde, la paix dans l'univers, tout ça. Ça va être plus sur... Puis il y avait beaucoup de déjà à l'époque, dans les années 60, dans la vieille série, beaucoup de... Tu avais des Noirs, des Asiatiques, tout ça, tu avais beaucoup de la diversité, puis essayer de parler des différences entre les différents peuples. En tout cas, mais... c'est ça, moi j'aime les vieux, je préfère encore les vieux, mais c'est ça, je pense que Abraham, de toute façon, il l'a dit lui-même, il préfère Star Wars, puis son style colle plus à Star Wars. Même s'il a fait une bonne job quand même avec les Star Trek, puis j'aime beaucoup Chris Pine en Captain Kirk. Ouais. Je suis un petit peu moins fan de choses en Spock, là, j'oublie son nom, là, mais... Ah, j'oublie son nom aussi, mais... Je préfère encore Leonard Nimoy, mais on... Mais c'est sûr. Mais de toute façon, ça, c'est dans un autre galaxie. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'on devrait se lancer un peu dans les spoilers, ou ça fait déjà une vingtaine de minutes, je pense? Je pense que oui. Je pense qu'on a quand même fait globalement le tour. Je veux dire, c'est... Allez-y le voir. Allez-y. Si vous êtes fan, vous pouvez pas être déçu. Puis ceux qui sont déçus, ben... Honnêtement, je comprends pas. Tu sais, oui, on peut chicoter sur des petits détails, mais de là à dire que c'est juste un copier-coller puis que vous avez pas l'impression que vous êtes en train de regarder Star Wars, personnellement, je comprends pas. Je vous juge pas. Mais moi, honnêtement, lorsque j'ai vu épisode 1, ben c'est ça que j'aurais voulu voir. Ouais. Puis c'est pas ça qu'on a eu. Puis je trouve que là, après autant d'années d'attente, ben les fans ont finalement de quoi se mettre sous la dent puis à être... satisfait du retour d'une des plus grandes trilogies de la science-fiction. Là. J'ai vu les trois prequels au cinéma, j'ai revu des tonnes de fois chacun, puis j'ai jamais eu autant de fun que ça avec un nouveau Star Wars du 21e siècle. Puis l'effet est tellement contagieux. Hein. Moi, je me suis pas retapé les vieux avant d'aller voir celui-là. Je suis allé voir celui-là, puis quand je suis sorti de la salle, première chose que je voulais faire, c'était aller me retaper la trilogie. Tu sais, je venais juste de me racheter en Blu-ray, puis je suis comme, non, regarde, j'ai vraiment envie de retrouver ces personnages-là, parce que ça m'a tellement fait du bien de retrouver Chewie, Han Solo, que j'ai comme fait, ah, c'est vrai qu'ils m'avaient manqué, eux, ça fait tellement d'années que j'ai pas écouté les Star Wars, c'est comme ça me manquait, finalement, puis je suis vraiment content de les retrouver, puis... Puis, vraiment, finis ta phrase, m'excuse. Non, c'est juste ça, c'est vraiment cool, puis... Je suis vraiment fier de J.J. Abrams. Je trouve qu'il a fait une méchante job. Puis malgré tous les haters qu'il y a envers ce réalisateur-là, je trouve qu'il s'est vraiment donné à fond pour satisfaire des fans. Puis gars, je trouve qu'il a vraiment fait une job remarquable. Dernière chose avant qu'on rentre dans les spoilers. Tu l'as vu en français, hein? Oui, j'avais pas le choix. Qu'est-ce que ça donne en français? C'est-tu... Parce que, juste pour mentionner aux gens, la voix de... juste. Mettons par exemple la voix de C3PO, ça a toujours été Roger Carrel, c'est le même gars qui fait la voix d'Astérix, tout ça. Ça a toujours été lui qui faisait C3PO, mais il a pris sa retraite il y a deux ans à peu près, puis il est rendu dans les 80 ans avancés. Puis je me demandais justement comment C3PO devait sonner en français, puis comment les vieux comme Harrison Ford, Leia, sonnaient en français. Je suis juste curieux de savoir, est-ce que ça jure, est-ce que c'est correct? Honnêtement, C3PO, c'est quand même assez réussi, ça ressemble beaucoup à l'autre voix. Harrison Ford, j'ai juste l'impression que c'est un peu sa voix qu'il avait dans les dernières productions, fait que ça m'a pas comme déstabilisé. Okay. Je te dirais c'est plus Leia qu'elle avait vraiment une voix assez différente. J'ai eu un petit peu de la misère sur le coup, mais sinon globalement la traduction du film est quand même de bonne qualité. Là. Je pense pas que les gens qui vont aller le voir français vont frustrer. Là. Ok, je suis curieux. Je vais peut-être y aller. Je pars demain pour le Saguenay pour deux semaines, puis je pense que je vais m'organiser pour. Le voir de toute façon. Je veux le revoir, c'est sûr et certain, mais je vais sûrement le voir en français. Ah, moi aussi, c'est sûr, je vais retourner au cinéma. Fait que là-dessus, on va se diriger tout de suite de la section spoiler. Je vais mettre un petit son de R2-D2 pour faire la différence. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour ceux qui n'écouteront pas la version spoilers, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore toute l'année 2015, puis depuis le moment où vous nous écoutez. Et merci de continuer à nous suivre et de commenter et de lire de commenter sur Facebook, de nous écouter, de nous suivre dans le fond. Puis joyeux Noël à tout le monde. Très on a bon une belle temps année. Des fêtes. Oui, bonne belle année 2016. Puis veux-tu rajouter une dernière chose? Non. Ben, au plaisir de vous retrouver en 2016. On a encore plein de beaux projets, plein de films, puis de combats de bras faire, d'organiser. Puis on aime toujours ça autant ça, faire ces podcasts-là. Puis encore plus depuis que vous êtes quand même plusieurs à nous suivre, puis à commenter, puis à nous laisser vos commentaires. Puis c'est vraiment génial. Fait que passez un beau Noël, allez voir Star Wars, puis profitez du temps des fêtes. Mangez, mangez en masse. Fait que là-dessus, spoilers. Ok, on est revenu dans la section spoilers. Eh oui. Han Solo. Han Solo, ouais, je pense que c'est pas mal la scène qui va se faire le plus jaser. Puis j'espère que ceux qui n'auront pas vu le film ne seront pas fait spoiler cette scène-là comme les autres. Ah non, parce... moi j'aurais tellement haï ça le savoir d'avance. Là. En fait, je vais être honnête, moi, je m'y attendais pas à ce que le film nous amène vers une mort de Han Solo. J'y pensais aucunement. Mais c'est la préparation de la scène lorsqu'on apprend que le vilain principal, Kylo Ren, est le fils de Han Solo et de Leia. Ouais. Et lorsqu'il va avoir l'occasion sur l'espèce de passerelle d'aller discuter avec lui puis d'essayer de le récupérer, je voyais la mise en scène s'en venir et j'étais comme... Non, je le sens, là, je pense qu'ils vont tuer Han Solo, puis mais j'aime pas ça, là. C'est ça, c'est que ça pouvait pas aller dans l'autre sens, parce que tu pouvais pas avoir construit tout ce méchant-là pendant tout un film pour faire en sorte que tout à coup, il redevienne bon, puis qu'il retombe dans les bras de son père tout de suite, tu sais. Si facilement, tu sais. Il faut qu'il évolue dans le temps, puis dans d'autres films, fait que t'avais pas vraiment le choix. Mais j'ai vraiment aimé beaucoup comment ça a été fait. Sur le coup, j'étais hyper déçu, parce que je me disais, je pense que je suis pas prêt mentalement dans ma vie, avoir Han Solo mourir. Puis je m'excuse, je dis encore Han, mais moi c'est Han. J'ai grandi avec Han Solo et non pas Han Solo. Mais j'étais pas prêt à voir Han Solo mourir. Mais j'ai vraiment pas détesté comment ça a été fait. Je me dis, si j'étais pour voir, si un jour j'avais eu à imaginer que la mort de Han Solo, ça aurait été quelque chose d'aussi grandiose que ça. Parce que il est mort en essayant de faire le bien, premièrement, en essayant de faire quelque chose que Léa lui a demandé de faire pour leur famille, tout ça, par amour. Il est allé jusqu'au bout, il a toujours été bon, il a toujours été un bon gars, puis jusqu'à la toute fin, il était un bon gars, puis même qu'il a presque réussi à ramener son fils, parce qu'on voyait les larmes dans les yeux de son fils, on voyait les yeux embués de son fils, puis... Juste... Tu voyais qu'il y avait un semblant encore de... Puis juste d'humanité. Avant de mourir, justement, c'est ça, il a vu, juste avant de mourir, l'humanité dans le visage de son fils. Puis je pense qu'il est mort en paix, en sachant que son fils était encore là. Son fils était encore vivant derrière ce visage-là, tu sais. Derrière ce visage, derrière cette dureté-là, tout ça. Je pense qu'il sait que son fils va peut-être éventuellement revenir, tu sais. Puis j'aime vraiment la mise en scène de cette scène-là, parce que t'as comme un genre de trou dans le toit, puis t'as un genre de rayonnement lumineux, de lumière qui est comme éclairé sur les personnages pendant leur discussion, puis à partir de quand il vient pour y donner son sabre laser à Han Solo, la lumière finit par disparaître, puis c'est là que tu vois en même temps le côté comme c'est, il ressemble, c'est comme non, c'est définitif, son choix il est fait, puis c'est là qu'il va tuer Han Solo. Je pense que ce qui m'a encore plus touché à cette scène-là, puis qui m'a fait encore plus de quoi, c'est non seulement la réaction de Chewbacca. Oui. Qui, tu sais, Chewbacca sans Han Solo, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur, c'est comme pauvre petite créature. Puis encore après, plus tu que pour dans Leia. Oui. Parce que ça, c'est un vrai couple qui ont jamais été séparés. Parce que Leia et Han Solo sont plus ensemble depuis un bout de temps, mais avec Chewbacca, il est avec depuis le début, tu sais. Fait que c'est encore plus touchant pour lui. Puis quand tu ressens sa peine puis sa rage quand il se met à massacrer les Stormtroopers après la mort de Han Solo, tu ressens là, sa rage. Puis moi, j'étais tellement triste pour lui, là. Puis après, tu le vois dans le vaisseau qui est juste dans son coin complètement démoli. Puis j'étais comme, non, j'ai le cœur brisé. J'avais envie de prendre Chewbacca dans mes bras. Fait, t'en fais pas. Mais en même temps, tu sais quoi? Je trouve que toute la scène, lorsqu'on découvre Han Solo, Chewbacca avec les nouveaux personnages, puis Rey, puis que tu vois qu'elle s'incruste tellement bien dans l'équipe, avec le Faucon Millennium, tout ça, tu sens que c'est un peu aussi le remplaçant de Il de... passe la torche, comme je disais. Il passe la torche à elle, puis je pense que Chewbacca va... Mais le regard qu'il lance à la fin quand tu prends la place de Han Solo, c'est comme pour dire, tiens, oui, je t'accepte, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est toi mon pilote maintenant. Je pars plus en paix avec ça, mettons. Puis c'est pour ça que je dis qu'elle est crissement badass, Rey, parce qu'en plus de tout ce qu'elle est capable de faire, elle a pris la place de Han Solo. C'est elle, la nouvelle Yann Solo. En plus d'être une sorte de nouveau Luke Skywalker, c'est fou. C'est comme un mélange des deux. Ouais. C'est comme un mélange de Luke et de Yann Solo. Pour les filles, là, tu peux pas avoir comme meilleure héroïne de science-fiction en ce moment là, au cinéma, là, je pense. Là, c'est... Puis, on l'a pas mentionné, parce que je savais pas si on pouvait vraiment le mentionner, mais on se dit pas forcément tout de suite au départ que Rey va être un genre de Jedi, qu'elle a la force en dedans d'elle, puis ça l'arrive progressivement, puis j'aime vraiment ça, comment ça l'arrive de plus en plus. Et il y a une grosse scène en particulier, c'est là qu'on se dit, OK, c'est vraiment le futur Jedi de la nouvelle série. C'est lorsqu'elle découvre dans un petit coffre le sabre, l'ancien sabre de Luke Skywalker, ben elle va tomber dans une espèce de flashback, souvenez. Toute cette scène-là, je la trouve écœurante. Sa mise en scène, comment c'est amené, qu'elle s'est faite laisser sur une planète, pourquoi elle veut tout le temps retourner sur cette planète-là en particulier. Puis, ah, j'ai tellement aimé ça. Je trouve que c'est tellement bien incrusté. Puis, ça fait juste rendre le personnage encore plus intéressant puis badass. Puis, moi, juste quand elle essaie de corrompre un Stormtrooper puis de lui faire agir, de la détacher puis de s'en aller, j'adore cette scène-là. C'est drôle. Puis... Petite trivia. Ce Stormtrooper-là, c'est Daniel Craig. Ah, c'est celle-là? Parce que oui. Tout le monde n'arrêtait pas de dire qu'il y avait Daniel Craig dans le film, puis j'étais incertain de c'était qui. C'est lui. Mais en anglais, je ne l'ai pas reconnu. Tu sais, je l'ai su par après, puis quand je vais revoir le film en anglais, je veux absolument le... Porte attention. Ouais. Puis Simon Pegg joue l'extraterrestre qui lui achète des morceaux qu'elle va chercher dans le désert. Là. Oh my God! J'ai méconnaissable. Ouais, ben je pense qu'il fait surtout la voix, j'imagine. Ouais. Ben, j'étais pas certain si c'était du CGI ou si c'était... Je sais pas, hein. C'est ça aussi, on l'avait souvent mentionné ça dans les podcasts, j'avais parlé justement de Terminator Genesis, des films qui sont botchés au niveau des effets spéciaux, mais qui coûtent autant le même prix, des centaines de millions de dollars, mais que le CGI fait dur. Tandis que là, Star Wars, le CGI est ce que ça devrait tout le temps être quand c'est travaillé avec talent. Je veux dire, on arrive par moments à confondre, à se dire, c'est-tu du CGI ou c'est de l'effet pratique? Ouais. Les effets sont vraiment de très bonnes. Ça se marie parfaitement aux environnements. Puis c'est le fun parce que, parlant des environnements, ça reflète un peu la vieille trilogie. Fait que c'est tous des lieux que tu as l'impression qu'ils ont déjà du vécu, tu sais. Mais encore une fois, un autre truc qu'on n'avait pas parlé tout à l'heure, mais tout l'intérieur des vaisseaux, tous les pitons, c'est tous des trucs qui semblent sortir des années 70-80. Ouais. T'as vraiment l'impression que ça suit vraiment les trilogies, parce que souvent, des films qui vont faire une suite à des anciens films, ils vont pas penser à essayer de garder la même technologie un peu cheapette, si on veut, de l'époque, sans vouloir critiquer ça. Ouais. Et on se dit, ben c'est pas le même vaisseau, là. C'était pas fait comme ça dans les anciens. Mais dans Star Wars, quand vous êtes dans le Faucon Millennium, c'est le Faucon Millennium. Quand vous êtes dans l'Étoile de la Mort, ben c'est la même affaire. Là. J'avais quasiment envie que Finn fasse une remarque quand il pogne la mitraillette du Millennium Falcon, puis qu'il voit l'ordinateur, puis l'écran avec le truc rouge, la cible rouge. J'avais quasiment envie qu'il dise, c'est donc bien, bon bien vieux ce système-là. T'sais. J'étais sûr que si c'est un Atari ou quelque chose comme ça. T'sais. J'étais certain qu'elle allait le dire. Puis, même le jeu d'échecs avec les créatures faites en image par image, c'est le même effet, la même chose. J'ai vraiment trippé aussi. Hey, ça se peut-tu que j'avais vu Star Fox dans le jeu d'échecs? Oh my God! J'ai pas porté attention, c'est arrivé trop vite, mais... J'ai l'impression que si quelqu'un nous écoute puis il l'a vu. Moi, je suis presque certain d'avoir vu Star Fox, parce que je pense que c'est Marvel, Star Fox, ou c'était-tu Lucasfilm aussi? Je me souviens plus, mais en tout cas, je sais pas s'il appartient au même monde, mais je suis presque certain de l'avoir vu. À moins que c'était une autre créature qui était déjà dans le jeu d'échecs en 77, puis qu'il lui ressemble. Ça peut fort bien que J.J. Abrams soit un maniaque de Star Fox, puis qu'il l'ait mis là-dedans. Là, on a vu aussi la petite boule. À un moment donné, Finn, il a comme fouillé dans des affaires dans le Millennium Falcon, puis il a trouvé la boule avec laquelle Luke s'entraînait, la petite boule avec des trous, là, puis qui lance des lasers. Des trucs, des affaires d'amis qui sont le fun. Mais... c'est ça, pour accélérer un peu, parce qu'on avait dit que ce serait un épisode court. La scène finale? Ouais, c'est ça. Luke Skywalker ne fait qu'une apparition dans le film, et c'est à la toute fin. On s'en doutait qu'on se dirigeait vers là, qu'on finirait par le voir, parce que dès le départ, dès les écritures du film, au début, on sait qu'il est porté disparu, fait que c'est lui qu'on cherche tout le long du film, tu sais. Puis, il apparaît juste à la toute fin. Puis, ce que j'ai aimé... c'est qu'il n'y a pas une seule réplique, on n'entend pas un seul son sortir de la bouche de Skywalker, mais le Mark Hamill, contrairement à Carrie Fisher, il peut bouger son visage, puis il est tellement bon acteur, on le sous-estime souvent, mais il est tellement bon acteur qu'avec juste un regard de lui, j'ai l'impression de tout ressentir, tout ce qu'il ressent, là, tout ce qu'il pense. Là. Moi, ce que j'ai vu en sa face, c'est Luke Skywalker qui dit « Oh fuck, j'ai vraiment pas envie de me relancer dans tout ça, mais j'ai pas le choix. » C'est un peu ça que j'ai ressenti en voyant ses yeux. C'est là, drôle, ça reflète peut-être aussi un peu les sentiments de Mark Hamill au départ, qui devait se dire j'ai pas envie de retourner là-dedans. Je sais pas à quel point. Moi, je pense que. Moi, j'ai entendu dire certains journalistes pour trouver disaient que Harrison Ford avait pas envie, mais que Mark Hamill avait très envie de retourner. C'est drôle parce que quand tu regardes le film, t'as l'impression qu'Harrison Ford trippe autant que tout le monde. Harrison Ford, ça a l'air que. C'est connu comme trivia qu'il voulait tuer Han Solo dès l'Empire contre-attaque, puis qu'à la place, ils ont décidé de le congeler. Mais lui, il voulait que Han Solo meure, t'sais, déjà là. Puis c'est le même co-auteur, c'est Lawrence Kasdan qui a écrit les deux films. Je pense que c'est Lucas, à l'époque, qui voulait pas que Han Solo meure. Puis là, ils ont comme eu leur revanche un peu en disant, ben là, on va pouvoir le tuer comme on voulait. Mais c'est Puis con parce que, je m'excuse de t'interrompre non, encore. c'est correct. Une autre pensée que j'ai eue après avoir vu le film, je suis comme, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce Harrison Ford-là dans Indiana Jones 4 qui a du fun? Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait du fun tout le long, puis qu'il était drôle, puis tu sais, il était énergétique, il était énergique, je veux dire, il était animé, il était là, il était vraiment présent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce Harrison Ford-là dans Indiana Jones 4? Je pense que une partie de ma réponse, c'est la présence de George Lucas. Je pense que George Sûrement. Lucas n'est pas un bon directeur, il n'est pas bon pour diriger les acteurs, de un. Il n'est pas bon pour leur parler. Il l'a déjà dit en entrevue, il n'aime pas parler aux acteurs. Puis je pense qu'il fait juste refroidir tout le monde quand il est là. Il fait juste les gens. Puis en plus, il est super strict, je pense. Puis le fait qu'il soit pas là dans le nouveau Star Wars, ça Ça libère tout le paraît, monde. ça paraît. Puis, tu sais, même Steven Spielberg l'avait mentionné, il avait pratiquement mis la faute sur George Lucas si le dernier Indiana Jones n'était pas bon. Puis, tu sais, Harrison Ford, puis Steven Spielberg arrête pas de parler qu'ils veulent faire un nouveau Indiana Jones. Puis, tu sais, ça serait sans George Lucas, Ah oui. évidemment. Puis, je pense que là, on aurait notre vrai retour de Indiana Jones. Oui. Mais pour revenir sur la finale, moi. Honnêtement, je sais pas s'il y en a qui ont été déçus par la courte présence de Luke Skywalker, mais honnêtement, là, c'était prévisible à mille lieues. Je veux dire, on ne le voit pas une fois dans le trailer. Il n'est même pas sur l'affiche principale du poster. Puis quand tu vois le synopsis d'intro que Luke a disparu, tu te dis, l'intrigue va tourner alentour de la gang qui vont tenter de retrouver Luke Skywalker. Fait que moi, je m'attendais à 100% à ce qu'on le voit juste dans les 5 dernières minutes. Puis moi, ça me gêne pas parce que je trouve que la scène a tellement d'impact que je me dis, c'est correct. Puis de toute manière, là où ça nous emmène pour le prochain volet, tu vois que là, Luke va prendre la place puis qu'il va être là pour toute la durée du film, là, qu'il va vraiment avoir un gros rôle. Fait que moi, ça me gêne pas pantoute parce qu'en même temps, c'est correct de vouloir faire vivre une saga, mais il y a tellement de stock là-dedans, tellement de personnages que tu peux pas tout condenser puis que ça soit botché. Puis je trouve qu'ils ont un choix raisonnable de vouloir laisser Luke juste là à la finale, puis pas juste de l'intégrer par-ci par-là durant le film, qui ça aurait été botché, là, parce qu'il y a déjà suffisamment de personnages à nous faire découvrir puis à développer. Oui, puis de toute façon, Luke a déjà été le héros de trois films, fait que je pense que moi, je préfère voir Rey. Puis je pense que dans le deuxième film, Luke devrait être là, puis il va être là, je suis sûr qu'il va être là longtemps dans le film, mais je préfère aussi que le focus reste encore sur Rey, Ben, puis Finn, puis les autres, là. je suis pas mal certain, puis on se le dit tout de suite, moi je suis certain que Luke va être le mentor de Rey, puis c'est lui qui va l'entraîner, puis à se contrôler, puis je pense qu'il peut faire de quoi de vraiment intéressant avec ça, parce que, veux pas, c'est Luke, encore une fois qu'on n'avait pas mentionné, qui a entraîné le fils de Harrison Ford, puis de Leia, et ça l'a mal tourné, il était parti du côté obscur, puis Luke s'est senti tellement mal, tellement senti responsable, que c'est pour ça qu'il a quitté la galaxie, puis tout. Et je me dis que le fait de revenir, d'avoir un nouveau poulain, un nouveau Padawan sous son aile, ça va créer des moments, je pense, assez intense dramatiquement, de revivre des mauvais souvenirs. Puis je pense que durant les entraînements de Rey, ça va créer des scènes vraiment intéressantes là-dessus. En tout cas, d'après moi, je pense que l'équipe s'enligne vers ça. Puis moi, j'aime vraiment ça d'avance, là. Fait que. Ça va être le nouveau Yoda. De nouveau Yoda, ouais. De nouveau Puis, Obi-Wan. il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé, puis je veux pas qu'on s'éternise, mais le nouveau méchant, le genre de, pas l'empereur, mais celui qui est comme le chef Le du suprême premier leader ordre, là. Snoke, qui est joué par Andy Serkis. Oui. Puis qu'au départ, on a l'impression que c'est un géant, puis on se rend compte que c'est juste un Aïe, hologramme, tu sais. Ben, c'est ça. Au départ, je me dis, es-tu vraiment grand comme ça, me semble Il y a des que. gens qui disent en ligne qu'il va peut-être être de la grandeur de Gollum, finalement. T'sais. Mais non, c'était intéressant. Je suis curieux d'en savoir plus. Pour l'instant, j'en pense pas grand-chose. Je suis vraiment curieux d'en savoir plus sur le premier ordre. Je sais pas comment est-ce qu'il appelait ça en français. C'est ça, le premier ordre? Je pense que oui. The First Order. The first one, the premier. Puis cette gang-là qui sont comme. Qui vouent un genre de culte à l'Empire parce qu'ils. On dirait qu'ils sont nés des cendres de l'Empire, comme c'était écrit au début, puis ils vouent un culte, tu sais, comme le Kylo Ren, il voue un culte à Darth Vader, qui est son grand-père, tu sais, puis... Ouais. Mais en même temps, ils ont... Je sais pas à quel point ils comprennent comment ça marchait l'Empire exactement, on dirait qu'ils font juste imiter l'Empire, mais de manière un petit peu plus maladroite, ou je sais pas, tu sais, en étant plus... en étant des fanatiques, là, de l'Empire. Est-ce qu'on va voir comment ça va aller, puis c'est qui les... Parce que je sais que Kylo Ren, il vient d'un ordre qui s'appelle les Chevaliers de Ren, puis ça, je suis curieux d'en savoir plus. Je pense que ça existait déjà dans les vieux romans de Star Wars, qui ne sont plus considérés comme comme canon, là, comme ils font plus partie de l'histoire officielle de Star Wars, mais je pense que ça vient de là, les Chevaliers de Ren. En tout cas, des gens qui connaissent plus ça peuvent nous le dire, mais en tout cas, ça, je suis curieux d'en savoir plus. Puis je pense qu'on les voit dans le flashback de Rey, Je pense que oui, dans les mes souvenirs, il me Chevaliers. semble qu'on l'a vu. D'autres trivia rapides dans le flashback, on entendait la voix d'Ewan McGregor puis la voix de Frank Oz qui fait la voix de Yoda. On entendait la voix d'Ewan McGregor qui faisait Obi-Wan Kenobi, puis on entend aussi un petit peu la voix d'Alec Guinness comme Obi-Wan Kenobi. Il y a une couple de phrases qu'on entend dans le flashback qui sont dites à Rey, c'est des acteurs originaux qui font les voix. Puis, quelle autre affaire? On n'a pas beaucoup parlé de Oscar Isaac, mais j'ai beaucoup aimé son personnage de pilote. Il est pas assez présent. Il est pas assez présent, c'est ça. Parce C'est que un autre, ça, que je veux qu'on explore plus dans les autres. je l'aimais tellement déjà en partant. Je trouvais que c'était le je veux pas le traiter de clown, mais l'humoriste un peu, Oui. tu sais, dès sa première rencontre avec le Kylo Ren, il est déjà en train de dire, ben, tu sais, avec le masque, c'est difficile. Puis déjà en train de C'est se qui foutre un parle en peu de premier? sa C'est gueule. moi, c'est toi, tu Puis j'étais comme, ah, je l'aime ce personnage-là, il est le fun, puis c'est dommage sais. qu'il soit pas assez présent. Sa fuite avec Finn, c'est super trippant, cette scène-là. Ah, c'est génial, là. Puis même ces personnages-là, déjà une super chimie, ça me fascine comment tous ces personnages-là, qu'ils soient séparés ensemble, peu importe, sont tout le temps super bien connectés. Il y a vraiment une chimie avec toute cette gang-là. J'ai vraiment le sentiment que c'est une grosse famille, puis. My God, c'est ça que ça prenait pour Star Wars. C'est ça qui manquait dans les prequels, des personnages qu'on aime, puis des personnages qu'on veut suivre. Ouais. C'est vraiment le cœur de Star Wars. C'est important, les personnages. Puis George Lucas, il est passé complètement à côté avec les autres. En tout cas, pour ma part, je sais que toi Ben que. non, mais c'est ça, je comprends, je les vois tous les défauts des prequels, n'inquiète pas, je les vois toutes, mais je les haïs pas quand même. Mais c'est ça, tu sais, c'était froid les prequels, parce que comme je disais tantôt, il sait pas diriger les acteurs. Il y avait Ewan McGregor, il y avait Natalie Portman, Christopher Lee, tout ça, tout le monde-là, puis ils étaient pas capables de les diriger comme du monde, puis ils font tout. Une job bien ordinaire dans ces films-là à cause de George Lucas, surtout. C'est un mauvais réalisateur. En tout Oui. cas, j'ai tout le temps dit, je trouve que George Lucas est un mauvais réalisateur. Ben, tu sais, Puis. j'aime ses premiers films, j'aime American Graffiti, j'aime Star Wars, j'aime THX 1138, mais c'est ça, les trois prequels, non, non. Il aurait dû laisser à quelqu'un d'autre. Ouais, vraiment. Parce qu'il a besoin d'un œil extérieur, il a besoin de quelqu'un qui lui dise, ah ben ça, c'est ça devrait être différent, ça de... Tu sais, il a besoin de... Il a tellement la grosse tête, c'est ça le problème. C'est lui, il veut écouter personne, puis il fait à sa tête, puis c'est comme ci, comme ça, Je suis puis. content que dans l'Empire contre-attaque, ils ont réussi à changer la réplique qui, au départ, quand Han Solo se fait carboniser, Leia lui dit « Je t'aime », puis lui devait répondre « Je t'aime aussi », tu sais. Puis finalement, ils l'ont fait plusieurs fois avec le réalisateur, avec Irvin Kershner, puis ça n'a pas marché, ça ne marchait jamais, ils n'étaient jamais satisfaits. Eux autres, le réalisateur puis les acteurs, n'étaient jamais satisfaits. Puis George Lucas, je pense qu'il s'est pas vraiment mêlé de la chose, il les a juste laissés faire. Puis à un moment donné, ils ont comme dit... Irvin Kershner, il a comme dit à Harrison Ford, il dit, ben, regarde, on va à tourner, puis dis la première chose qui te vient à l'esprit, là, t'sais, mais dis pas la phrase, dis pas je t'aime moi aussi, dis d'autres choses, n'importe quoi qui te vient à l'esprit. Puis la première chose qui vient à l'esprit, c'est je sais. T'sais. Puis ça a marché. C'est le moment parfait, là, t'sais, c'est une des répliques les plus aimées des fans de Star Wars, puis c'est génial. Mais ça, il fallait qu'il fasse différents essais. S'il avait suivi le script original, ça marchait juste pas. T'sais. Fait que c'est ça, tu sais, George Lucas, il a des bonnes idées, mais... C'est le créateur de Star Wars, mais c'est pas le meilleur pour l'exploiter. Non. Non, je suis content qu'ils aillent redonner vie à tout ça, puis avec du nouveau monde. J'étais un petit peu méfiant, je me disais, tu sais, ça va être un Star Wars, mais ça sera pas vraiment un vrai Star Wars, parce que c'est pas George Lucas qui l'a écrit, c'est pas son idée à lui, c'est pas ses personnages. Mais finalement, après avoir vu le film, je m'en foutais totalement. J'étais comme, non, non, donnez-moi-en encore. C'est vraiment très bon. Ouais. Moi, c'est dans mon top 3 de l'année, facilement, là, de tout genre, tous les genres confondus, là. Dans mon top de l'année aussi, facilement. Même J'ai peut-être. Tellement eu de plaisir. C'est un des films que j'ai eu le plus de plaisir au cinéma cette année avec Mad Max. Mm-hmm. Fait que là-dessus, je pense qu'on peut conclure. Puis, tu sais, on a plein de choses qu'on pourrait parler encore de plus, mais. Je pense que globalement, on a fait le tour. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde est en train de faire des critiques, des vidéos sur Star Wars. Oui. On va attendre les mêmes avis un peu partout. Fait que, gars, je pense que pas besoin de s'éterniser d'un épisode d'une heure et demie. En bref, on a adoré ça. Exactement. Puis allez le voir. Allez le voir. Puis dites-nous vos opinions. Ça, c'est oui. Vraiment le fun. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'avez pas aimé, ben, je suis vraiment curieux. Puis écrivez vos opinions. Qu'est-ce que vous avez pensé du nouveau Star Wars? Oui, tout à fait. Puis, ben c'est ça. Là-dessus, je vais vous souhaiter les mêmes souhaits qu'on a dit tantôt pour tous ceux qui ont continué à nous écouter. Fait que là, le temps des fêtes s'en vient. Fait que, ben, on est dedans, mais on est en plein dedans. Fait que joyeux temps des fêtes, joyeux Noël. Et. Amusez-vous, allez voir Star Wars, continuez à avoir des très bons films, puis revenez-nous en pleine forme en 2016. On va avoir des nouveaux épisodes et on va être. On va se. Voyons. Plein d'énergie à nouveau. Puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Continuez de nous. Que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Continuez de nous écouter, de commenter, d'interagir, d'être aussi géniaux que vous l'êtes. Continuez d'écouter des podcasts aussi, parce qu'il y en a plein qui sont bons, pas juste le nôtre, mais on veut que vous écoutez le nôtre, puis il y en a plein d'autres. Allez sur RZO Web, allez. Il y en a plein qui en valent la peine, puis découvrez, faites des découvertes. Puis. Fait que c'est ça, on va revenir en janvier. On n'a pas d'idée précise avec un épisode de nos tops, ça c'est sûr, mais on n'a pas d'idée précise exactement de la date ou de quoi que ce soit. Bon, on va vous tenir au courant sur la page Facebook. facebook.com/lebrasdeferdesfilms. Puis allez sur lebrasdeferdesfilms.com pour tous nos épisodes. Puis ben c'est cela. Fait que je pense qu'on va laisser ça en chanson. J'avais l'intention de mettre une chanson du. L'album de Noël de Star Wars, sorti en 1980, avec les voix de Anthony Daniels dans le rôle de C-3PO, puis les bruits de R2-D2. La chanson que je voudrais mettre, c'est R2-D2, We Wish You a Merry Christmas. Et sur cette chanson, on retrouve la voix d'un tout jeune John Bon Jovi qui avait 17 ans et que c'est son premier enregistrement professionnel. Parce que c'est son cousin ou son oncle ou quelqu'un de sa famille qui produisait l'album. Puis John faisait juste passer le balai dans le studio. Puis le producteur de l'album a dit « Hey, on a besoin de quelqu'un pour chanter. » Puis mon petit cousin, mon petit neveu qui passe le balai, il chante. Fait qu'on pourrait peut-être le faire chanter sur une des chansons. Fait que c'est ça. Fait que John Bon Jovi s'est mis à chanter une toune pour R2-D2, une toune de Noël. Puis ça a été son premier enregistrement professionnel. Fait que moi, je vous le laisserai là-dessus. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Fait que à la prochaine. Et comme Steven l'a dit, que la force soit avec vous. Artu, where are you? Oh, there you are. Well, if you come over here, you'll find a wonderful surprise. You'll have to plug into the central computer to hear what it is. That's right. No, it's not a phase vector. It's your Christmas present. Chimney's big and round, so you can come right down. And if a The quaver converter isn't complete yet. It isn't finished. Lock in your circuits again quickly. Merry Christmas.